D'abord, je prends mon petit déjeuner vers 8 heures. Ensuite, je vais au travail. Je déjeune vers 13h15. À 16h30, je vais chercher les enfants à l'école. Ma femme rentre du travail à 19h. Nous dînons à 20h.